J'avais 6 ou 7 ans lorsque papa nous conduisit à Trouville. Jamais je n'oublierai l'impression que me fit la mer. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder sans cesse. Sa majesté, le mugissement de ses flots, tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du bon Dieu. Je me rappelle que pendant la promenade que nous faisions sur la plage, un monsieur et une dame me regardèrent courant joyeusement autour de papa et s'approchant, ils lui demandèrent si j'étais à lui et dirent que j'étais une bien gentille petite fille. Papa leur répondit que oui, mais je m'aperçus qu'il leur fit signe de ne pas me faire de compliments. C'était la première fois que j'entendais dire que j'étais gentille. Cela me fit bien plaisir car je ne le croyais pas. Vous faisiez une si grande attention, ma mère chérie, à ne laisser auprès de moi aucune chose qui pût ternir mon innocence, à ne me laisser surtout entendre aucune parole capable de faire glisser la vanité dans mon cœur. Comme je ne faisais attention qu'à vos paroles et à celles de Marie, et jamais vous ne m'aviez adressé un seul compliment, je n'attachais pas beaucoup d'importance aux paroles et aux regards admiratifs de la dame. Le soir, à l'heure où le soleil semble se baigner dans l'immensité des flots, laissant devant lui un sillon lumineux, j'allais m'asseoir toute seule sur un rocher avec Pauline. Alors je me rappelais la touchante histoire du sillon d'or. Je contemplais longuement ce sillon lumineux, image de la grâce illuminant le chemin que doit parcourir le petit vaisseau à la gracieuse voile blanche. Près de Pauline, je pris la résolution de ne jamais éloigner mon âme du regard de Jésus, afin qu'elle vogue en paix vers la patrie des cieux. Ma vie s'écoulait tranquille et heureuse. L'affection dont j'étais entourée au Buissonnet me faisait pour ainsi dire grandir, mais j'étais sans doute assez grande pour commencer à lutter, pour commencer à connaître le monde et les misères dont il est rempli. J'avais 8 ans et demi lorsque Léonie sortit de pension et je la remplaçais à l'abbaye. J'ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la vie. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Les 5 années que j'y passais furent les plus tristes de ma vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n'aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade. La pauvre petite fleur avait été habituée à plonger ses racines fragiles dans une terre choisie, faite exprès pour elle. Aussi lui sembla-t-il bien dur de se voir au milieu de fleurs de toutes espèces, aux racines souvent bien peu délicates, et d'être obligée de trouver dans une terre commune le suc nécessaire à sa subsistance. Vous m'aviez si bien instruite, ma mère chérie, qu'en arrivant en pension, j'étais la plus avancée des enfants de mon âge. Je fus placée dans une classe d'élèves toute plus grande que moi. L'une d'elles, âgée de 13 à 14 ans, était peu intelligente, mais savait cependant en imposer aux élèves et même aux maîtresses. Me voyant si jeune, presque toujours la première de ma classe et chérie de toutes les religieuses, elle en éprouva sans doute une jalousie bien pardonnable à une pensionnaire et me fit payer de 1000 manières mes petits succès. Avec ma nature timide et délicate, je ne savais pas me défendre et me contentais de pleurer sans rien dire, ne me plaignant pas même à vous de ce que je souffrais. Mais je n'avais pas assez de vertu pour m'élever au-dessus de ces misères de la vie, et mon pauvre petit cœur souffrait beaucoup. Heureusement, chaque soir, je retrouvais le foyer paternel. Alors mon cœur s'épanouissait. Je sautais sur les genoux de mon roi, lui disant les notes qui m'avaient été données, et son baiser me faisait oublier toutes mes peines. Avec quelle joie j'annonçais le résultat de ma première composition, une composition d'histoire sainte. Un seul point me manquait pour avoir le maximum, n'ayant pas su le nom du père de Moïse. J'étais donc la première et j'apportais une belle décoration d'argent. Pour me récompenser, papa me donnait une jolie petite pièce de 4 sous que je plaçais dans une boîte et qui fut destinée à recevoir presque chaque jeudi une nouvelle pièce, toujours de la même grandeur. C'était dans cette boîte que j'allais puiser quand à certaines grandes fêtes, je voulais faire une aumône de ma bourse à la quête, soit pour la propagation de la foi ou autres œuvres semblables. Pauline, ravie du succès de sa petite élève, lui fit cadeau d'un joli cerceau. Pour l'encourager à continuer d'être bien studieuse, la pauvre petite avait un réel besoin de ces joies de la famille. Sans elle, la vie de pension lui aurait été trop dure. L'après-midi de chaque jeudi, c'était congé. Mais ce n'était pas comme les congés de Pauline. Je n'étais pas dans le belvédère avec papa. Il fallait jouer non pas avec ma Céline, ce qui me plaisait quand j'étais toute seule avec elle, mais avec mes petites cousines et les petites Maud de Londres. C'était pour moi une vraie peine. Ne sachant pas jouer comme les autres enfants, je n'étais pas une compagne agréable. Cependant, je faisais de mon mieux pour imiter les autres sans y réussir. Et je m'ennuyais beaucoup, surtout quand il fallait passer toute une après-midi à danser des quadrilles. La seule chose qui me plaisait, c'était d'aller au jardin de l'Étoile. Alors j'étais la première partout, cueillant les fleurs à profusion, et sachant trouver les plus jolies, j'excitais l'envie de mes petites compagnes. Ce qui me plaisait encore, c'était lorsque par hasard j'étais seule avec la petite Marie. N'ayant plus Céline Maudelonde pour l'entraîner à des jeux ordinaires, elle me laissait libre de choisir, et je choisissais un jeu tout à fait nouveau. Marie et Thérèse devenaient deux solitaires n'ayant qu'une pauvre cabane, un petit champ de blé et quelques légumes à cultiver. Leur vie se passait dans une contemplation continuelle, c'est-à-dire que l'une des solitaires remplaçait l'autre à l'oraison lorsqu'il fallait s'occuper de la vie active. Tout se faisait avec une entente, un silence et des manières si religieuses que c'était parfait. Lorsque ma tante venait nous chercher pour la promenade, notre jeu continuait même dans la rue. Les deux solitaires récitaient ensemble le chapelet, se servant de leurs doigts afin de ne pas montrer leur dévotion à l'indiscret public. Cependant, un jour, le plus jeune solitaire s'oublia. Ayant reçu un gâteau pour sa collation, il fit avant de le manger un grand signe de croix, ce qui fit rire tous les profanes du siècle. Marie et moi étions toujours du même avis. Nous avions si bien les mêmes goûts qu'une fois notre union de volonté dépassa les bornes. Revenant un soir de l'abbaye, je dis à Marie « Conduis-moi, je vais fermer les yeux. »« Je veux les fermer aussi, » me répondit-elle, aussitôt dit, aussitôt fait. Sans discuter, chacune fit sa volonté. Nous étions sur un trottoir. Il n'y avait pas à craindre les voitures. Après une agréable promenade de quelques minutes, ayant savouré les délices de marcher sans y voir, les deux petites étourdies tombèrent ensemble sur des caisses posées à la porte d'un magasin, ou plutôt elles y firent tomber. Le marchand sortit tout en colère pour relever sa marchandise. Les deux aveugles volontaires s'étaient bien relevées toutes seules et marchaient à grands pas, les yeux grands ouverts, écoutant les justes reproches de Jeanne qui était aussi fâchée que le marchand. Aussi, pour nous punir, elle résolut de nous séparer, et depuis ce jour, Marie et Céline allèrent ensemble pendant que je fis route avec Jeanne. Cela mit fin à notre trop grande union de volonté, et ce ne fut pas un mal pour les aînés qui au contraire n'étaient jamais du même avis et se disputaient tout le long du chemin. La paix fut ainsi complète. Je n'ai rien dit encore de mes rapports intimes avec Céline. Ah, s'il me fallait tout raconter, je ne pourrais finir. À Lisieux, les rôles avaient changé. C'était Céline qui était devenue un malin petit lutin, et Thérèse n'était plus qu'une petite fille bien douce, mais pleureuse à l'excès. Cela n'empêchait pas que Céline et Thérèse s'aimaient de plus en plus. Parfois, il y avait quelques petites discussions, mais ce n'était pas grave. Et dans le fond, elles étaient toujours du même avis. Je puis dire que jamais ma petite sœur chérie ne m'a fait de peine, mais qu'elle a été pour moi comme un rayon de soleil, me réjouissant et me consolant toujours. Qui pourra dire avec quelle intrépidité elle me défendait à l'abbaye lorsque j'étais accusée? Elle prenait en soin de ma santé que cela m'ennuyait quelquefois. Ce qui ne m'ennuyait pas, c'était de la regarder s'amuser. Elle rangeait toute la troupe de nos petites poupées et leur faisait la classe comme une habile maîtresse. Seulement, elle avait le soin que ses filles soient toujours bien sages, au lieu que les miennes étaient souvent mises à la porte à cause de leur mauvaise conduite. Elle me disait toutes les choses nouvelles qu'elle venait d'apprendre dans sa classe, ce qui m'amusait beaucoup, et je la regardais comme un puits de science. J'avais reçu le titre de petite fille à Céline. Aussi, quand elle était fâchée contre moi, sa plus grande marque de mécontentement était de me dire « Tu n'es plus ma petite fille, c'est fini, je m'en rappellerai toujours ». Alors je n'avais plus qu'à pleurer comme une madeleine, la suppliant de me regarder encore comme sa petite fille. Bientôt, elle m'embrassait et me promettait de ne plus se rappeler de rien. Pour me consoler, elle prenait une de ses poupées et lui disait « Ma chérie, embrasse ta tante ». Une fois, la poupée fut si empressée de m'embrasser tendrement qu'elle me passa ses deux petits bras dans le nez. Céline, qui ne l'avait pas fait exprès, me regardait stupéfaite, la poupée pendue au nez. La tante ne fut pas longtemps à repousser les étreintes trop tendres de sa nièce et se mit à rire de tout son cœur d'une aussi singulière aventure. Le plus amusant était de nous voir acheter nos étrennes. Ensemble, au bazar, nous nous cachions soigneusement l'une de l'autre. Ayant 10 sous à dépenser, il nous fallait au moins 5 ou 6 objets différents. C'était à laquelle achèterait les plus belles choses. Ravis de nos emplettes, nous attendions avec impatience le premier jour de l'an, afin de pouvoir nous offrir nos magnifiques cadeaux. Celle qui se réveillait avant l'autre s'empressait de lui souhaiter la bonne année. Ensuite, on se donnait les étrennes, et chacune s'extasiait sur les trésors donnés pour 10 sous. Ces petits cadeaux nous faisaient presque autant de plaisir que les belles étrennes de mon oncle. D'ailleurs, ce n'était que le commencement des joies. Ce jour-là, nous étions vite habillés, et chacune se tenait au guet pour sauter au cou de papa. Dès qu'il sortait de sa chambre, c'était des cris de joie dans toute la maison, et ce pauvre petit père paraissait heureux de nous voir si contentes. Les étrennes que Marie et Pauline donnaient à leur petite fille n'avaient pas une grande valeur, mais elles leur causaient aussi une grande joie. Ah, c'est qu'à cet âge, nous n'étions pas blasés. Notre âme, dans toute sa fraîcheur, s'épanouissait comme une fleur heureuse de recevoir la rosée du matin. Le même souffle faisait balancer nos corolles, et ce qui faisait de la joie ou de la peine à l'une en faisait en même temps à l'autre. Oui, nos joies étaient communes. Je l'ai bien senti au beau jour de la première communion de ma Céline chérie. Je n'allais pas encore à l'abbaye, n'ayant que 7 ans, mais j'ai conservé en mon cœur le très doux souvenir de la préparation que vous, ma mère chérie, avez fait faire à Céline. Chaque soir, vous la preniez sur vos genoux et lui parliez de la grande action qu'elle allait faire. Moi, j'écoutais, avide de me préparer aussi, mais bien souvent, vous me disiez de m'en aller parce que j'étais trop petite. Alors mon cœur était bien gros, et je pensais que ce n'était pas trop de 4 années pour se préparer à recevoir le bon Dieu. Un soir, je vous entendis qui disiez qu'à partir de la première communion, il fallait commencer une nouvelle vie. Aussitôt, je résolus de ne pas attendre ce jour-là, mais d'en commencer une en même temps que Céline. Jamais je n'avais autant senti que je l'aimais comme je le sentis pendant sa retraite de 3 jours. Pour la première fois de ma vie, j'étais loin d'elle, je ne couchais pas dans son lit. Le premier jour, ayant oublié qu'elle n'allait pas revenir, j'avais gardé un petit bouquet de cerises que papa m'avait acheté pour le manger avec elle. Ne la voyant pas arriver, j'eus bien du chagrin. Papa me consola en me disant qu'il me conduirait à l'abbaye le lendemain pour voir ma Céline et que je lui donnerais un autre petit bouquet de cerises. Le jour de la première communion de Céline me laissa une impression semblable à celle de la mienne. En me réveillant le matin toute seule dans le grand lit, je me sentis inondée de joie. C'est aujourd'hui. Le grand jour est arrivé. Je ne me lassais pas de répéter ces paroles. Il me semblait que c'était moi qui allais faire ma première communion. Je crois que j'ai reçu de grandes grâces ce jour-là et je le considère comme un des plus beaux de ma vie. Je suis retournée un peu en arrière pour rappeler ce délicieux et doux souvenir. Maintenant, je dois parler de la douloureuse épreuve qui vint briser le cœur de la petite Thérèse lorsque Jésus lui ravit sa chère maman, sa Pauline, si tendrement aimée.